Ouais, donc là, on est en fait devant l'ancien site de la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque. Donc là, ce qu'on voit, c'est des immeubles d'habitation en construction hein, qui sont en train de sortir de terre. Mais il faut s'imaginer qu'il y a, je ne sais pas, parce que j'ai plus trop la notion du temps, mais il y a peut-être encore 2 ou 3 ans, ici, il y avait donc le bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie. Et il y avait, juste là, devant nous, imaginez, il y avait une grande pelouse, il y avait un espace avec des jeux pour enfants, et il y avait des arbres, des grands arbres magnifiques. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai vu qu'ils avaient coupé les arbres. Et là, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Ça m'a fait beaucoup de peine. Après, ils sont venus arracher les racines. Et puis après, bah, ils ont tout détruit. C'était un endroit joyeux. Il y avait des enfants qui venaient jouer, bien sûr. Il y avait des personnes qui venaient se reposer, là, se mettre au frais quand il faisait chaud. Et je trouve ça vraiment triste. Ouais, ça m'a vraiment attristée, en fait. Je sais qu'il y a des pays où ils tiennent compte des arbres et de la végétation et construisent en harmonie avec ça, mais là, non. Nous, on a tout détruit, et voilà. C'était le seul coin de verdure de la citadelle, c'est vrai. C'est très minéral, la citadelle, et c'est vrai que ça, c'était vraiment le poumon vert de la citadelle. Donc, ça permet aussi de dire que bah, c'est un quartier qui est en train d'évoluer, comme Dunkerque, hein, d'une façon générale. C'est un quartier qui est en train d'évoluer, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, avec des nouveaux habitants qui vont arriver. On verra dans les années à venir ce que deviendra ce quartier. Ça reste un quartier où il n'y a pas de commerce de proximité. Donc... du coup, ça reste un quartier particulier, je pense. Et voilà. Bah, pas dortoir, mais ouais, il y a des restaurants, il y a des bars, mais il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas ça, quoi. Donc, elle garde son aspect fonctionnel, en fait. Qu'elle a oui, c'est vrai. Elle garde cet aspect fonctionnel, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, finalement, il n'y a pas plus de commerce... de proximité, enfin je veux dire d'épicerie ou autre qui s'implante, parce qu'il n'y en a vraiment pas. Mais c'est comme si finalement ce quartier il voulait garder sa particularité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'habitants sur la citadelle, mais si, il y en a. Il y a des habitants, il y a beaucoup de bureaux, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup d'habitants en citadelle. Et c'est vrai qu'on voit bien que au niveau sonore, il y a une grande différence entre la semaine et le soir et le week-end. Il y a du bruit parce que, enfin, on entend des sons parce qu'on est quand même à proximité du centre-ville, mais on est quand même avec le bassin du commerce, on est quand même un peu en dehors du centre-ville. C'est comme si on était spectateur du centre-ville. Et effectivement, à l'occasion des fêtes, il y a quand même beaucoup de fêtes ici au printemps. Là, par contre, c'est très très très animé et très festif. Il y a le carnaval déjà de la citadelle, les fêtes de la mer, les bordées. J'en oublie peut-être. J'ai pris des photos de différents moments où ils détruisaient le bâtiment en fait, de la CCI. Ça a duré assez longtemps d'ailleurs. Oui, parce qu'ils ont déconstruit. Oui, il a fallu désamianter, enfin, comme beaucoup de bâtiments de cette époque. Hein. Enfin, peut-être presque tous en fait. Et ça a duré un certain temps. Et d'ailleurs, on a à nouveau un peu ce balai de destruction avec des grosses grues juste là derrière. On va le voir en repassant. C'était avant, on appelle ça le garage Pain Total. Quand on dit Pain Total, tout le monde sait où ça se situe. Et donc là, ils vont aussi, ils sont en train de, pareil, hein, ils ont détruit déjà un bâtiment. Ils vont construire des immeubles d'habitation, encore une fois, des nouveaux...